Une conférence internationale sur la crise et la détente de la péninsule coréenne s'est tenue du 31 mai au 2 juin à Stockholm, Suède, sous les auspices de l'Institut suédois de la politique pour la sécurité et le développement. Y ont pris part la délégation de l'Institut du désarmement et de la paix du ministère coréen des Affaires étrangères et les délégations des établissements d'études de la politique de Suède, de Chine, des États-Unis, du Japon et de Corée du Sud. On y a discuté sérieusement sur des moyens pour la détente, la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne.